que quelqu'un a reconnu l'hymne? Oui. L'hymne des États-Unis d'Amérique. Et oui, soir, pourquoi nous pas, je comprends pas. Bah, écoutez, Jacques, ça y est, la campagne a démarré cette nuit aux États-Unis avec le grand discours de Bush à la convention républicaine. C'est ringard. Le meeting surprise de John Kerry pour lui répondre, pour dire que Bush était un menteur et qu'il n'avait pas fait la guerre du Vietnam. Ça, c'est leur grand truc, la guerre du Vietnam aux États-Unis. Moi, j'ai retenu. C'est pas un détail. Quand on envoie des gens mourir à la guerre, c'est bien d'avoir fait soi-même, quoi. Comme Kerry. Comme Kerry. Oui, c'est déjà mieux. Alors que Dick Cheney et Bush Jr. n'ont pas fait. On va tous Kerry ici, j'en suis sûr. Mais j'ai peur, malheureusement, que Bush soit réélu. Alors, justement. C'est la question. Qui vote Bush, qui vote Kerry? Je vote Kerry. Non, mais on vote pas, nous. Hein. Non, mais attendez. Non, mais si vous étiez américain, la soirée. Ah, non, ça veut rien dire. Il faut vivre aux États-Unis. On est. Mais moi, je voudrais savoir. J'espère qu'il n'y a pas photo autour de cette table, messieurs, parce qu'on parle de mensonges de Bush. Si on en fait la liste, l'émission des grandes gueules, elle est trop courte. Mais c'était menteur notoire. Je pense qu'il va être élu, moi, malheureusement. Mais oui, mais malheureusement. Non, notamment je pense qu'Alain a raison. Et notamment à cause du film de Michael Moore, qui a fait beaucoup de tort à Kerry. Le film est très bon. Mais qu'est-ce qu'il dit Bush? Ma place, les gens qui lui donnent des ordres, c'est le Festival de Cannes, c'est les Français, c'est les mondains branchés parisiens. Eh ben, ça fait beaucoup de tort parce que l'Américain de base, d'un seul coup, il dit, attends, on va pas obéir à l'Europe. Mais tu crois, Alain, que l'Américain de base, il a vu le film de Moore? Michael Moore qui avait voté pour Alain Kader. Il a pas vu, il pense que c'est un télo européen. Alors attendez, je vais rappeler simplement une règle, messieurs. Vous êtes bien tenus là jusqu'à 11h35, mais là, ça dérape un peu. On parle pas tous en même temps, sinon on va sortir les cartons jaunes et ensuite les cartons rouges. Et puis ensuite, on sera obligé de couper les micros. Moi, simplement, je voudrais terminer sur le discours de Bush. J'ai retenu cette phrase, et c'est peut-être à cause de ça que George Bush sera réélu. Nous savons que le 11 septembre a obligé notre pays à penser différemment. Nous devons faire face aux menaces contre l'Amérique avant qu'il ne soit trop tard. En fait, aujourd'hui, Bush, c'est le chef de guerre. Voilà, ouais. Et les Américains sont derrière. C'est de la démagogie dégueulasse. Mais c'est d'une efficacité redoutable pour le petit peuple américain. C'est-à-dire que je pense que la démocratie étant ce qu'elle est, Bush est le pire et il sera élu. Ce qui pose des problèmes sur ce que c'est que la démocratie aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir franchement ce que l'opinion française pense de cette campagne américaine. Est-ce que ça s'intéresse à ça? Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que vous suivez ça? Parce que nous, c'est vrai que les médias, on en fait nos choux gras, on en fait des caisses, des tonnes, ce qui est normal, c'est un événement. Mais les Français, vraiment, parce qu'on leur dit que Bush, c'est l'homme qui mène le monde à la guerre totale, c'est un danger public. Est-ce que la campagne américaine vous intéresse ou non? Est-ce que vous suivez ça? Oui, non. 3216, rmcinfo.fr, SMS GG61068. Oui, puis moi, j'aimerais que ceux qui vont se prononcer sur la campagne américaine nous disent effectivement s'ils étaient citoyens américains, même si ça ne c'est de la lumière. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais Kerry ou Bush, j'aimerais qu'on nous le dise. Donc, effectivement, essayez de nous aiguiller un petit peu. Mais non, mais moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant que Français, on doit voter Kerry. Mais un Américain, quand il comprend que Bush veut asseoir la domination de l'Amérique, à la limite par la force, pour qu'elle maintienne à tout prix son rôle de puissance dominante, malgré son déclin économique, en compensant par le militaire, eh ben il dit oui. Parce qu'il veut gagner au foot, d'ailleurs, quelque part. Alors, peut-être qu'il faut être européen pour voter Kerry. C'est ça qui est dérangeant. Oui, mais en plus, Alain, il y a quelque chose quand même qu'il faut préciser, parce que on nous taxe toujours, quand on est anti-Bush, d'anti-américain. Moi, je suis pas du tout anti-américain. Moi, je préférerais. Non, parce que je préférerais qu'on ait avec le peuple américain d'excellentes relations, comme avec le peuple israélien. Mais quand on est anti-Bush ou anti-Sharon, dans notre pays. Ce lien qu'a fait entre les deux. Oui, pourquoi vous faites ce lien? Non, parce que je peux m'expliquer, messieurs, nous sommes au grand de gueule, mais il faut quand même qu'on s'écoute. Parce que quand on critique ces deux pays dans le monde, simplement ces deux pays dans le monde, on nous taxe soit d'antisémites, soit d'anti-américains. Simplement ces deux pays, s'il y en avait eu un troisième, je l'aurais cité. Attendez, ne me faites pas faire des rapprochements que je n'ai pas fait. Même si politiquement ils sont très proches dans les choix, effectivement, qu'on fait aujourd'hui en matière de diplomatie, des géopolitiques. Simplement, il faut que nos concitoyens comprennent que quand on se positionne contre un gouvernement, on n'est pas contre un pays. On n'est pas contre un peuple. Et ça, c'est fondamental. On nous a trop instrumentalisé. Alain, je veux parler de démagogie. Beaucoup en font. Non, mais moi, je vais répéter ce que je dis. Très simple, c'est parce que les Européens préfèrent Kerry que les Américains vont voter Bush. Pourquoi Kerry risque d'être battu? Parce qu'il y a quand même, on en parle peu dans la presse, il y a un troisième candidat qui s'appelle Ralph Nader, qui représentait dans le temps les consommateurs, qui finalement, et d'ailleurs à mon avis je suis sûr qu'il est financé par Bush, et finalement il va faire battre Kerry. Et je rappelle Michael Moore, dont on fait l'éloge, il a voté pour Nader la dernière fois si Al Gore a été battu, il a une sacrée responsabilité. C'est important de le rappeler pour les auditeurs. Je crois que son film je fais un peu de mon côté dialectique de tout ça, paradoxal de tout ça. C'est que je pense que le film de Moore est très bon et que ce dit Moore est très très bon, mais je pense que ça a fait beaucoup de tort à Kerry. Oui, voilà. Il n'y a pas d'impact aux États-Unis. La solution aujourd'hui pour faire gagner Kerry, les Français devraient faire croire aux Américains qu'ils votent Bush, si je vous suis bien à la Soral. C'est un peu ça. C'est que quand l'Américain de base, qui connaît pas grand chose, faut dire à la vie, il sait même pas où il est. C'est vrai. Il faut être une puissance dominée pour savoir où sont les autres. C'est-à-dire que les gens les plus cultivés sont les gens, en général, d'empire déclinant. Les Français sont cultivés parce qu'ils ne sont plus une puissance. Mais ça, c'est du, mais c'est du cliché de dire que l'Américain a des bases. L'Américain n'a pas besoin d'apprendre la sociologie de comptoir. Non, c'est l'Américain de base n'a pas besoin d'apprendre à parler les langues étrangères puisque le monde entier parle anglais. C'est-à-dire, c'est une évidence. Quand vous êtes turkmène, si vous parlez pas anglais, vous pouvez pas exister dans le monde. Donc c'est évident que plus on est de la puissance dominante, moins on est cultivé sur le reste du monde. Alain Soral, Jacques Maillot, Karim Zeribi, Olivier Truchot, il y a un SMS de Jérôme qui dit Bush ou Kerry, de toute façon, 4 ans, ça passe vite. Xavier, dans un instant. Ah, c'est sûr, c'est plus rapide chez nous. Oui, bah, on a, pourtant, on en a 5. Mais on a des hommes de qualité chez nous. Messieurs, s'il vous plaît. Pause, est-ce qu'on peut amener son thé pour Jacques Maillot qui recherche les accus? Non, j'ai déjà eu. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Gueule sur la campagne George Bush, John Kerry, parce que ça s'est accéléré avec un mot de Xavier, puisqu'il est là déjà au milieu de cette discussion. Xavier, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour Xavier. Maillot, Zeribi, Alain Soral, qui est le petit nouveau de la journée. Xavier, Bush ou Kerry, ça changera quelque chose? Alors, à mon avis, non, je pense pas, mais tout d'abord, je voudrais revenir sur un point qui a été juste précédemment développé concernant le qualificatif souvent utilisé d'Américain moyen. Moi qui habite dans un département rural, je tenais à préciser que le français moyen, en l'occurrence, n'a rien à envier à l'américain moyen tel qu'on le définit. Non, il est moins pire encore. Ouais. Alain Soral. Enfin, bien sûr. Je crois qu'il faut pas pêcher par... L'américain moyen, c'est l'avenir du français moyen. Oui, enfin, plus d'obésité, plus de télé, plus de conneries, je suis désolé. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, en matière de démagogie politique, je crois qu'en France, ça me serait très bien placé. Bon, pour revenir sur la campagne plus précisément et sur le distinguo qu'on peut faire entre les deux candidats et sur le résultat de l'élection, à mon avis, je pense qu'on se leurre profondément. Les États-Unis, sans faire un cours de géopolitique, bien sûr, ont quand même à cœur de maintenir leur leadership international. Et de ce fait, quel que soit le candidat qui sera élu, démocrate ou républicain, la force armée restera ou constituera encore un moyen, je dirais, assez efficace pour leur permettre notamment Donc ça ne changera rien. Oui, mais Xavier, voilà. C'est la seule chose, qu'aujourd'hui, il y en a un qui sera sûrement beaucoup plus près de l'Europe dans le dialogue que l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit George Bush la nuit dernière. Oui. Il l'a dit en direction du camp de John Kerry, il l'a dit en direction des Américains. Il a dit, si vous, Kerry, arrive au pouvoir... Demain, la politique des États-Unis se fera avec Paris et les Allemands, et donc on l'aura dans l'os. Grosso modo, c'est démagogique, mais très efficace. Il y a une autre différence quand même. Il y a la politique internationale, il y a aussi la politique intérieure. Sur le plan social, lorsqu'on regarde le programme de Kerry, c'est quand même très différent là-dessus du programme de Bush. Hein, je pense que tous les Américains qui sont quand même dans la merde, qui n'ont pas de boulot, qui sont au chômage, qui n'ont aucune protection... 45 millions ils sont. Exactement, 45 millions de pauvres, ils ont intérêt à se mobiliser attendez, à voter Kerry. Non, Jacques, Olivier Truchot. Vous pensez sincèrement que ça va changer avec Kerry, qu'il y a une différence de taille entre le programme de Kerry, le programme économique et celui de Bush? Oui, Olivier, j'ai regardé les programmes de près, et je dis que là-dessus, j'insiste, il y a une différence importante. Il y a le programme, Kerry, et ensuite... Exactement. Kerry, c'est vraiment nettement moins mal sur le plan social pour les Américains. Moi, je crois que la plus grande différence, bien que je te crois, je te crois toujours, Jacques, tu le sais, donc en matière de politique intérieure, il connaît un peu l'économie, Jacques. Il a raison, quand même, je veux dire, on peut lui faire confiance, ça peut aider à comprendre les choses. Je suis d'accord avec toi, mais je crois que c'est quand même sur le plan de la diplomatie, de la politique étrangère, de la géopolitique. Notre avenir, l'avenir de la planète, c'est une question de bloc contre bloc. Et c'est vrai qu'avec Bush, on est vraiment entré en guerre, à la fois en désaccord avec l'Europe, le monde arabe. Et avec Kerry, j'ai l'impression que ça ira mieux et qu'on essaiera d'être beaucoup plus négociateur. Est-ce que je peux rebondir sur ce que dit Monsieur Maillot? C'est vrai que la politique de Kerry est faite pour aider les pauvres, et c'est pour ça qu'il va être battu, parce que les pauvres ne votent pas aux États-Unis. Ils votent beaucoup moins encore que les autres. Et la dernière fois, pourquoi Bush a gagné? Parce qu'on a invalidé beaucoup de votes noirs dans l'état d'État. Parce que Bush a triché en Floride. C'est-à-dire que les pauvres avaient fait gagner Al Gore. Et c'est Bush qui est quand même au pouvoir. On arrête là, parce que finalement, tout le monde est d'accord. Tout le monde a envie de voir Kerry à la Maison Blanche. Et tout le monde dit que Bush va gagner. Parce que les États-Unis ne sont pas une démocratie. Si l'Amérique était une démocratie, Kerry serait élu, mais comme il y a longtemps que c'en est élu, c'est Bush qui va passer. Les grandes gueules, c'est aussi du débat, donc la parole à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, messieurs, Michel, sur internet, rmcinfo.fr. Moi je suis français, je suis la politique américaine, je roule en américaine, j'écoute de la country et les grandes gueules, et je vote Bush. C'est un homme déterminé et responsable et courageux. Il est allé en Irak rejoindre cette troupe. Ça c'est l'opinion du blaireau moyen américain. C'est vrai qu'il y a encore quelques réactionnaires en France. Jacques Maillot. Je ne suis pas surpris par la réaction de Michel. Jacques Maillot, Alain Soral, Karim Zeribi. Je voudrais attirer votre attention, Olivier Truchot, sur une petite phrase qui vient d'être prononcée par Jack Straw, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui a dit espérer, écoutez bien, c'est important, contre toute attente, que les deux otages français soient libérés. Ce qui veut dire que Jack Straw est assez... pessimiste aussi sur le sort des otages français. Il dit j'espère contre toute attente que les otages français soient libérés. Ici on peut dire qu'il y a Jack Straw pour le ministre britannique des Affaires étrangères. Non, parce que moi je sais, mais tout le monde ne sait pas. Vous venez de le dire. Excusez-moi si vous m'écoutez. Mais ça veut dire quoi contre toute attente? Ben que visiblement lui a l'air d'avoir des informations peut-être un petit peu. Est-ce que je peux développer? Est-ce que je peux développer? Alain Soral. Je pense que si effectivement ce sont des islamistes qui les ont enlevés, ils seront libérés puisque c'est l'intérêt des musulmans du monde entier que ces deux Français ne sont pas tués puisque la France n'est pas dans la coalition. Mais en admettant, parce que c'est très confus, que ce ne soit pas des musulmans qui les aient enlevés, mais des services secrets de puissance occidentale. Ah, attends, bah, écoute, la stratégie de des agents noirs de la CIA, la stratégie triangulaire. Les services israéliens. Je ne dis rien, mais si jamais ce ne sont pas des musulmans et des arabes qui les ont enlevés, mais d'autres puissances dans un but de manipulation pour faire du tort aux musulmans, parce que c'est marrant la revendication quand même sur le voile à l'école. Il fallait que ces gens qui sont dans une guerre civile à des milliers de kilomètres sachent que c'est la rentrée scolaire. Je veux dire, la revendication est quand même très étrange. Ce que je veux dire jusqu'au bout, là où je suis très inquiet, c'est que si malheureusement ce ne sont pas des arabes et des musulmans qui les ont enlevés, ils risquent d'être tués, parce que sinon ils pourraient raconter par qui ils ont été enlevés. Et s'ils sont tués, c'est que ce ne sera pas des musulmans qui les ont enlevés. Et s'ils sont libérés, c'est que ça aura été des musulmans. Le raisonnement est un peu important. Alors, nous avons eu les moines de Tibérine il y a quelques années qui ont été décapités. Si vous voulez lire des dossiers sur le sujet et interroger des anciens ministères des anciens employés du Quai d'Orsay qui ont pris leur retraite, ils vont vous raconter les larmes aux yeux qui a fait décapiter les moines de Tibérine. Hein? Bon, je crois que c'est pas aussi, Alain, c'est pas aussi simple que ça. Ils peuvent, c'est pas simple ce que je vous dis. Non, mais je veux dire, quand je dis aussi simple, explication islamiste, ils seront libérés, non islamistes, services secrets, ils risquent de ne pas l'être. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Il y a des islamistes qui peuvent aussi ne pas libérer. Instrumentaliser aussi. Instrumentaliser, ils peuvent aussi. Quand ils sont directs, tu le général Audran, ils travaillent pour Karim Zeribi. Je voudrais simplement dire une chose. Moi, je trouve que hier, tout ce que j'ai entendu de la part de nos représentants, toutes les images que j'ai vues, me semblent trop enthousiasmantes. Jusqu'à présent, nos otages sont encore, je dirais, entre les mains des ravisseurs. Et donc, ils ne sont pas libérés. Et donc, moi, je crains, et je souhaiterais effectivement de tout cœur qu'on puisse s'enthousiasmer plus qu'on ne l'a fait hier, mais je trouve que hier, on y est allé un petit peu trop fort. À tel point d'ailleurs que Raffarin a rappelé à l'ordre ses ministres. Il leur a dit, ne dites rien. À qui profite le crime? C'est la question qu'on peut se reposer en politique. Ils avaient changé de main, qu'aujourd'hui c'était la prière du vendredi, qu'ils risquaient d'être libérés. Le scénario était écrit hier. Et moi, ça me gêne, parce que je préférerais effectivement qu'on nous raconte qui ont été les ravisseurs. Parce que la thèse d'Alain Soral, elle n'est pas non plus totalement folle, je veux dire. D'hier, hein, ça a déjà existé. Attendez, vous voulez de l'information, parce qu'on parle de Jacques Straw, mais qui est dans son bureau à Londres, on parle, là, on commente, etc. Oui, non, mais nous, on a un journaliste sur place, il s'appelle Roger Hawk, il est notre envoyé spécial. C'est un très bon Roger. Vas-y, Roger. Vas-y, Roger. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Roger? Les dernières infos qu'il a eues, Roger, il revient de l'ambassade de France, il nous dit que le contact indirect est toujours établi, que les otages français sont donc toujours vivants et bien traités, et ils sont. Il semble qu'il se trouve bien dans la région de Fallujah, le fief de la guérilla sunnite. Les opérations américaines les opérations militaires américaines qui s'y déroulent gênent les négociations et gênent notamment la libération de ces otages. Voilà. Mais l'ambassade espère. Ça aussi, c'est un petit mot. Dans les heures à venir, la libération. Non, mais est-ce que tu viens de dire là, la présence américaine gêne les négociations? Finalement, c'est Bush qui Non. Quand on sait ce que c'est que le langage du Quai d'Orsay, ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont intérêt à ce que la négociation échoue à tout prix et qu'ils soient tués? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui jettent de l'huile sur le feu? Est-ce que finalement, le vrai problème dans la libération de ces otages, est-ce que c'est ceux qui les ont kidnappés ou ceux qui aimeraient que ça finisse mal parce que ça fera tellement de tort aux musulmans et qu'aujourd'hui, vous allez pas besoin... accuser les Américains d'avoir assassiné deux journalistes si malheureusement mais ça se fait comme ça. C'est le béaba des services secrets de faire croire que c'est l'autre. Moi, je veux bien qu'on foutre toujours au complot, à la manipulation. Mais vous me faites penser à Thierry Messant qui nous expliquait que le 11 septembre n'avait jamais existé. Non, il a jamais dit ça, hein, mais bon, c'était plus compliqué. Il dit à peu près la même chose que la version officielle aujourd'hui, c'est que il semblerait que si la CIA a pas pu arrêter le 11 septembre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait en sorte. Non, ça tient pas. Alain, moi je veux bien qu'on les empêche, mais faut pas partir en vrille non plus et raconter n'importe quoi. Voilà. Je sais pas, je l'ai pas lu. Vous l'avez lu? Oui. On l'a lu. Déjà c'est mal. Il fallait pas le lire, c'est interdit. Thierry Messant, on s'en fiche aujourd'hui dans les grandes gueules. Alain Soral, Jacques Maillot, Karim Zeribi, prise d'otage. On parlait de nos deux otages français, mais il y a des enfants aussi qui sont retenus en otage, et en ce moment même, du côté de l'Ossétie où cela se passe, il y a des tirs, il y a des preneurs d'otages qui essaient de quitter les bâtiments dans lesquels ils retiennent des enfants. on a tout lieu peut-être d'être inquiet sur ce qui se passe en ce moment. Et 300 personnes, 500 personnes, peut-être 1000 personnes, il y a eu beaucoup d'informations sur nombre de personnes retenues en otage. Parce qu'on a d'un côté des preneurs d'otages qui sont déterminés, qui demandent l'indépendance de la Tchétchénie, puis on a de l'autre Poutine qui en général fait pas de cadeaux dans ce cas-là. On parlait de 300 otages, en fait il serait plus de 1000 hein, à l'intérieur de l'école. Pas de recours à la force dans l'immédiat, mais semble-t-il ça change puisqu'on voit effectivement sur les dernières images, c'est l'intervention. Un mot. Les premières interventions. Les forces spéciales ont dû agir vu la situation, c'est ce que dit la cellule de crise. Et en ce moment, il y a des explosions avec des tirs et des otages, dont certains blessés, qui sont en train de quitter le. C'est pour ça qu'ils ont dit 300, c'est pour les survivants. Ils avaient déjà anticipé. Jacques Maillot. Bon, enfin, de toute façon, alors là, je trouve la politique de M. Poutine absolument lamentable. Moi, je suis partisan qu'on respecte le peuple tchétchène. Là-dessus, enfin... Mais les Américains ont beaucoup agi dans cette région. Vous pouvez pas dire ça alors qu'il y a 1000 enfants qui sont pris en otage par des tchétchènes. Moi, je veux bien que la cause tchétchène mérite d'être défendue. Stop. Maillot. Hey, les Américains qui n'aiment pas les musulmans ont beaucoup agi dans la région. Je reconnais que les méthodes sont inacceptables, mais faut voir comment, c'est mon point de vue, c'est ma part de vérité, comment les Tchétchènes ont été traités d'ailleurs par l'ensemble des dirigeants à la fois soviétiques et russes qui sont succédés. Ça justifie ça. Eh ben, fallait pas toucher à l'URSS alors, ça marchait bien. Oui, mais ça c'est un autre. Oui, enfin, faut voir comment Staline traitait les Tchétchènes déjà. Faut traiter les Russes dans leur ensemble d'ailleurs. Ne dis pas de mal de Staline. Oui, mais je sais bien ce que t'en penses. J'aime bien moi. Et j'en profite pour dire une chose. Je suis scandalisé du soutien permanent apporté à Poutine de la part du président Chirac et du chancelier Schröder. Moi, personnellement, j'aime pas du tout Poutine. Hein. Et je constate qu'en Russie, hein, vraiment, il n'y a aucun respect des droits de l'homme, il n'y a aucune politique démocratique, et je suis pour l'autodétermination du peuple tchétchène. Karim Zeribi. Moi, je suis pour l'autodétermination de tous les peuples, et c'est bien le problème aujourd'hui avec tous ces terroristes. Alain, on laisse terminer Karim Zeribi. Avec ce terrorisme, effectivement, aux quatre coins du monde, donc, qui se manifeste, mais s'il se manifeste, ce terrorisme, on n'est pas en train de dire, avec Jacques Maillot, là, je suis d'accord qu'on l'excuse, bien entendu, que c'est dramatique ce qui se passe, là, dans cette école, c'est dramatique ce qui se passe en Irak et en Palestine. Mais à un moment donné, tout ça provient quand même du choix politique, d'une vision, d'un maltraitement de population qui se rebelle de manière, bien sûr, qu'on cautionne pas, mais qui se rebelle. Karim Zeribi, Alain Soral, Jacques Maillot, on souhaite que ça se passe bien du côté de l'OCTE, que ça se passe bien pour nos deux otages en Irak. Et qu'on en reparle. On fait notre maximum. Les enfants, les bébés n'ont même pas à manger. C'est lamentable. On en parle dans les grandes gueules. Ce qui est étrange, c'est que la Tchétchénie, c'est encore une rébellion musulmane. Mais que d'un seul coup, comme ça emmerde les Russes et pas les Américains, la lecture est inversée. Qui a jeté de l'huile sur le feu? Qui a financé et armé les indépendantistes tchétchènes? Et qui aujourd'hui va acheter un journal? C'est la question que je vais vous poser, parce qu'il y a François qui est à vendre, il y a même une petite annonce qui est parue dans Libération. Qui va acheter un journal? Peut-être vous qui nous écoutez. Voulez-vous vous payer un journal? Appelez-nous au 3216, on va se demander comment sauver la presse quotidienne française dans les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules.